Bravo. H24 sur le terrain, Arco, DJ H, Etir, 2008. Combat singulier à la régulière, singulier, coup de seringue dans l'œil pour le gramme qui chauffe dans la cuillère. L'air, l'atmosphère sur cette terre, sur cette sphère, a du bon se taire. Pour satisfaire n'est pas bon, mauvais garçon, maintenant sur le goudron, dans les chaudrons. Les affaires des petits frères se règlent au plomb, rien ne se règle au fond. Les histoires qui se traînent comme les gars qui zonent en bas en observant les transports de fond. L'esprit dépareillé et démilitarisé, avivé par l'envie de nuire, seule chose qui va les revitaliser. Cohard, pas là pour divaguer l'ami. Les gosses poussent, sortent des mousses, éclatent de la mousse, te détroussent avant que tu ne puisses sortir tes pouches, t'avertis. J'sais pas moi, j'trouve que l'aliénation grandit. La vitesse, dangereuse comme un bolide, et la vitesse sur une route pleine de virages, l'arrache à vitesse. Le seul moyen, quand t'as pas les moyens, avec les castas, ces charas s'ajoutent à tout et l'autre plus rien. La vitesse, dangereuse comme un bolide, et la vitesse sur une route pleine de virages, l'arrache à vitesse. Le seul moyen, quand t'as pas les moyens, avec les castas, ces charas s'ajoutent à tout et l'autre plus rien. L'envie de cartonner la France à tous les niveaux. Ma prise Mino sous l'emprise du Bédo. La main prise par le micro ou un gros marqueur. Suffit pas connaître son texte par cœur pour arriver tout en haut. Tout en haut, c'est bizarre, y'a que des gens qui se tournent le dos. Et Lascar, je me tourne vers toi gros, toi qui kiffes le son, ne pas recevoir de leçon. Chose sur laquelle on bute et rebute, langue de pute, fils de pute, connaissent la sanction depuis 90, avec ou sans complice, fiche terroriste, glisse, ramasse ou escroque mon bif, croque seul ou en mif en famille. C'est la seule chose qui fasse que ma face brille. La vie, une histoire de billes, de billets. Éparpillée, un peu partout sur le continent elle traîne. Cette pute qui veut pas se faire maquer, traquée par les keufs. J'préfère te dire la vérité, le ref. Sur mot, l'ambiance est devenue maussade. On porte les mêmes noms de famille, les mêmes styles, et en plus on a la même taille. Tout porte à croire que ça va péter, mais je me trompe peut-être, cousin, arrête de te la péter. La vitesse, dangereuse comme un bolide, la vitesse sur une route pleine de virages, l'arrache à vitesse. Le seul moyen, quand t'as pas les moyens, avec les castas, ces charas s'ajoutent à tout et l'autre plus rien. La vitesse, dangereuse comme un bolide, la vitesse sur une route pleine de virages, l'arrache à vitesse. Le seul moyen, quand t'as pas les moyens, avec les castas, ces charas s'ajoutent à tout et l'autre plus rien.